قال ولا يجوز للمحرم حلق الرأس أو التقصير في حال إحرامه ويجوز له أن يحك رأسه ولو سقط بعض الشعر بذلك. نعم. Donc après avoir cité la mas'ala, l'interdiction de se parfumer pour le muhrim, il cite l'interdiction de se couper les cheveux ou de se raser les cheveux. الدليل على هذا قول الله عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله والشاهد ولا تحلقوا رؤوسكم c'est ça الشاهد كذلك حتى يبلغ الهدي محله ça montre que c'est pour celui qui est en état d'ihram. نقل الإمام ابن المنذر وكذلك الإمام ابن عبد البر وابن قدامة وغيرهم كثير رحمة الله عليهم الإجماع l'unanimité أن المحرم ممنوع من حلق شعر رأسه وإتلافه بحلق أو نورة. نعم. Que ça soit حلق, se raser avec, avec le rasoir, ou se couper avec le ciseau, ou avec la tondeuse, ou avec une. Il y a des crèmes là, pour enlever les poils, etc. Tout ça, c'est ممنوع. Tout ça, c'est ممنوع pour le muhrim. قال أو غير ذلك إلا في حالة العلة. Sauf bien sûr, comme في حديث كعب ابن عجرة رضي الله عنه, أنه il avait des poux رضي الله عنه, et ça lui faisait du mal. فالنبي, et il était en état d'ihram. Et النبي صلى الله عليه وسلم, quand il a vu son حال, أنه il était malade بهذا رضي الله عنه, فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يحلق رأسه على قيد المحرم. ففي حالة الضرورة أو une علة, une maladie, un besoin, etc. ففي هذا الحال تعلمون أن الضرورة etc. على دي أحكام. فحديث كعب بن عجرة في الصحيحين c'est une حجة في ذلك. أما celui qui a aucune raison, aucune excuse, فهذا لا يجوز له. En état d'ihram qui se coupe ou se rase les cheveux. Est-ce que ça concerne la tête ou ça concerne tous les poils du corps ? هذه المسألة هي خلاف كبير بين أهل العلم. بعض العلماء لأن vous avez vu dans le verset أن الله سبحانه وتعالى il a cité la tête. قال عز وجل ولا تحلقوا رؤوسكم. Donc dans le nas, dans le délit, كذلك حديث كعب بن عجرة c'était la tête. Enfin, dans les adillah, c'est citer la tête. Tu ne te rases pas et tu ne te coupes pas les cheveux de la tête. Lakin, بعض العلماء, ils ont cité أن ça englobe tous les poils du corps. Et بعض العلماء, ils ont dit là. فالمسألة خلافية. قال الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه في الشرح الممتع. قال ولو أن الإنسان تجنب الأخذ من شعوره كشاربه وإبطه وعانته احتياطا لكان هذا جيدا. Et ça, ça montre une position à avoir, ikhwan, fi al-masa'il al-khilafiyya. Certaines masa'il, mathalan, notre cas, hein. Bad al-ulama, ils disent, tu touches pas. Mathalan, les aisselles, etc. La moustache. Tout ça, tu touches pas en état d'ihram. Bad al-ulama, ils disent, il n'y a aucun délit. Fi hadha al-hal, akhi al-karim, pour sortir du khilaf, et l'ulama, ils appellent ça l'ihtiyat. Et tu prends pas de risque. فأخي فعله avant l'état d'ihram comme on va voir كلام شيخ بن باز رحمه الله عليه et en état d'ihram tu n'as pas besoin لأن en état d'ihram l'umra c'est une heure ou deux heures ou un peu plus si tu fais de la route ça peut être une journée on va dire et le hajj ça peut être 4 jours 5 jours on va voir les jours du hajj ففي الحقيقة cette courte durée si tu le fais juste avant tu n'as pas besoin de هذا et inshallah tu sors de le khilaf لأن si tu ne le fais pas فلا شيء عليك بالاتفاق. Il n'y a pas de khilaf que celui qui ne touche pas au poil de son corps, il n'a pas fait un mahdour. Ça, c'est, ils sont tous d'accord. Il y a un khilaf sur le fait de le faire. Enfin, tant que tu peux éviter, évite, ya akhil karim. Et ça, c'est un bab ma'rouf dans cette masala et autres pour sortir du khilaf. Tu t'écartes des doutes et tu fais les choses où tout le monde est d'accord tant que tu peux. Bien sûr, sans contredire un délit. On parle, il y a un ijtihad min al-ulama, leur compréhension elle diverge, pour sortir d'un bab wasi'a. Et t'as aucun doute, et t'es mourtah, tu t'écartes min hada. Falihada qal Cheikh Ibn Uthaymeen. Law anna l'insan tajannab l'akht min shu'urihi kasharibi. Al-sharib c'est les moustaches. Wa ibtihi les aisselles. Wa anatihi les parties intimes. Ihtiyatan lakana hada jayidan. Qal walakin.

on a un athar an Omar an Ibn Abbas annahum, ils le faisaient. Fa se laver pour al-muhrim khassatan si une haja, la chaque annahu c'est mubah, c'est mashrou. Wa qala rahimahullah ay Ibn Qudama wa ajma'a ahlul ilm ala an al-muhrim yaghtasil min al-janaba. Et ça c'est un aql tayyib kadhalik. Ijma'u al-ulama an al-muhrim si l'on est à janaba, il peut faire le ghusl. Fa al-haqiqa c'est une hujja an al-muhrim peut faire le ghusl. Léana, s'il peut le faire en état janaba, il peut le faire pour autre chose. Sauf si quelqu'un nous cite un dalil, ou la dalil. Et là, chaque al-muhrim, il doit faire le ghusl pour le janaba. Léana, al-muhrim, il doit faire le salat. Et min shurut al-salat, al-tahara. Et al-junub, il n'est pas à al-tahara. Donc, la chaque ou la raib, al-muhrim, il peut se laver. Et on a un dalil à hada, à hadi mas'ala. Hadith Abdullah ibn Hunayn. رضي الله عنه الحديث اللي في الصحيحين أن عبد الله بن عباس والمسور ابن مخرمة اختلف بالأبواء أي ils étaient dans un endroit et ils ont eu un خلاف عبد الله بن عباس اختلف مع المسور ابن مخرمة رضي الله عنه فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه ابن عباس il a affirmé أن المحرم il peut se laver la tête. وقال المسور لا يغسل المحرم رأسه. L'autre sahabi, المسور, il a dit لا. المحرم لا يغسل رأسه. نستفيد من هذا أن الخلاف قد يقع بين الأخ وأخي. بين طالب العلم et un autre طالب. بين العالم et son frère, un autre عالم. يحصل الخلاف. ابن عباس un sahabi جليل المسور سان صحابي جليل اختلفوا لكن المسألة سيبا اسكو باختلف لأنه باختلف لا شك سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه أنه يجو خلاف on n'a pas la même compréhension, on ne fait pas les mêmes efforts, on n'a pas le même ilm, on n'a pas les mêmes compétences, on n'a pas les mêmes livres, etc. etc. لا شك يورا دي divergences لكن comment faire quand on diverge الآن تا un exemple avec ce hadith. قال عبد الله بن حنين فأرسلني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. Première solution, revenir à أهل العلم. ابن عباس رضي الله عنه il a envoyé عبد الله بن حنين qui a assisté quand lui, quand ابن عباس et المسور اختلفوا. ابن عباس pour citer le dalil, pour être sûr, il va envoyer عبد الله بن حنين نعم إلى أبي أيوب الأنصاري الصحابي الجليل. Donc, hakad al-khilaf. T'as pas forcément raison, akhi. Et ton frère, il a pas forcément tort. Naam. Là, celui qui a raison, c'est celui qui a l'hujja. Et pour connaître l'hujja, il faut revenir à ahl al-ilm. Qala. Qala fa qala fa arsalani ibn Abbas ila Abi Ayyub al-Ansari fa wajadtuhu yaghtasil bayna al-qarnayn. Ay amoudain, dans un endroit, et il faisait le ghusl. Abu Ayyub al-Ansari, radiyallahu anhu. قال نختصر نحن الحديث فعبد الله بن حنين il a expliqué à Abu Ayyub pourquoi il est venu, il y a Ibn Abbas, il y a un khilaf, etc. Est-ce que le muhrim il a sa tête? فقال عبد الله بن حنين كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Revenir à أهل العلم c'est essentiel. C'est une des causes, بإذن الله, ça est un khilaf. أما الجهال qui parle, les, on m'a dit, les rumeurs, عدم التثبت الاستعجال tout ça ça fait que amplifier et rajouter du mal sur du mal والله المستعان. قال وهو محرم قال ابو ايوب لانسان يصب عليه الماء اصبب ابو ايوب il y avait une personne avec lui, il lui a dit verse-moi de l'eau et il va lui montrer comment il faisait. Le nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était muhrim. فقال فصب على رأسه ثم حرك رأسه بيديه. Ça, ça montre que le muhrim, il peut se frotter la tête. Il peut, normalement, comme il fait d'habitude. Ou alors, s'il y a un cheveu qui tombe, ou plusieurs cheveux, fallait aller. Ça, c'est des choses habituelles. فأقبل بهما وأدبر ثم قال هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. فلا شك أن في المسألة, c'est Ibn Abbas qui avait raison. Et nous, par rapport à notre dosh, on conclut que le muhrim, il a le droit de se laver la tête, et s'il se lave la tête, la chèque qu'il a le droit de se laver le corps. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه قال بقي النظر الى ان بعض الصابون له رائحه. نعم